Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, l'émission du lundi, calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme de ce soir, il y aura un certain nombre de sujets. Hein. En Macronie, par exemple, un écolo est un terroriste, ou une écolo est une terroriste. Ensuite, Mélenchon, procès politique. Mélenchon, c'est un procès politique, c'est grave, grave, grave, quand une république en vient à ça, bon. Propaganda, la fabrique du consentement, c'est sur une émission de Arte. Arte, il y a de temps en temps des émissions intéressantes aussi. Sur la chaîne parlementaire, il y a très souvent des émissions intéressantes, et puis sur d'autres chaînes, il faut picorer, quoi. Il faut garder la télécommande à portée de la main, quoi. Hein, voilà, faut pas se laisser enfumer par une émission qui tourne en autre boudin. Il y a suffisamment de chaînes maintenant pour que qu'on ait le choix. Alors il faut choisir, quoi, hein, bien sûr. Alors la télé, les radios, les journaux, les revues, etc. Il faut choisir constamment, quoi. Ben oui. Alors Mélenchon et la police politique. Là, c'est un sujet de une minute un peu plus. Quelques chansons. Alors les titres, à eux seuls sont déjà suffisamment parlants, je pense. Daniel Guichard, Mon Vieux. Léni Escudero, Vivre pour des idées. Gilles Servat, Les Prolétaires. Serge Reggiani, L'Italien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de RGM. Et puis une bonne nuit ensuite. Voilà. À une prochaine. Au revoir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 30 septembre ? Eh bien, le 30 septembre 1524, par exemple, en Allemagne, Hans Müller de Bulgenbach parcourt la forêt noire et rassemble jusqu'à 3500 paysans. Les féodaux ne disposent que de 1 700 hommes, ils acceptent un armistice et font des promesses. C'était en 1724 en Allemagne, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait quasiment pas de journaux, il n'y avait pas Internet, et les gens arrivaient quand même à s'organiser et à réagir. À réagir, réagir. Ouais. 1830, France, parution du numéro 1 du Peuple, journal général des ouvriers, rédigé par eux-mêmes. Il ira jusqu'au numéro 24. RGM existe depuis 38 ans maintenant. 1890, Allemagne, abrogation des lois d'exception contre les socialistes. En 1890, il y avait des lois contre les socialistes en Allemagne. 1895, Arménien, Turquie. Massacre des Arméniens de Constantinople, déclenché par l'assassinat d'un officier turc. Il y a 200 000 morts. 200 000 morts. Un premier massacre avait eu lieu en septembre 1894, faisant 5 000 morts. 1895, Madagascar, une colonne de troupes coloniales françaises occupe Tananarive. Eh oui, la France était une puissance coloniale. La France a été longtemps une puissance coloniale. Eh oui. 1903, France. Les ouvrières de tissage d'Armentières Nord se mettent en grève. Le mouvement va s'étendre à toute la région. 1911, Autriche. L'Assemblée de la Basse Autriche supprime l'obligation du célibat pour les institutrices. Oui. 1919, Japon. La société fraternelle Yuekei devient la société fraternelle du travail du Grand Japon. Dai Nihon Rodoku Mai Sodomai UK. Bah oui. 1938, Allemagne-France, Grande-Bretagne, à Munich. Capitulation franco-anglaise devant Hitler. La Tchécoslovaquie est livrée au Troisième Reich. Daladier dit « Vaut mieux Hitler que le Front Populaire ». Tiens, Daladier aurait dit « Mieux vaut Hitler que le Front Populaire ». Mieux vaut Hitler que le Front Populaire. C'est pas Macron qui dirait ça. Ah, ni Castaner, ni etc. Ah ben non, quand même. 1950, Autriche. Grève menée par des syndicats communistes pour protester contre l'accord gouvernement-syndicat sur les prix et les salaires. 1962, USA. Émeute raciale sanglante à Oxford, dans le Mississippi. Le gouverneur avait refusé l'entrée de l'étudiant noir James Meredith à l'université. Et je me souviens d'avoir suivi ça à la radio. Eh oui, les radios étaient déjà utiles à l'époque pour informer les gens, parfois, à certains endroits, par moment. 1965, Thaïlande. Le troisième conseil international de la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, se réunit à Bangkok. 1966, Botswana. Le Bechuanaland, colonie britannique, devient l'État indépendant, théoriquement, du Botswana. 1976, France, au Puy 5, à Merlebas, Moselle, le directeur envoie une équipe de sécurité pour tenter d'éteindre un incendie contre l'avis des syndicats. À 18h, une explosion fait 16 morts, tous membres de l'équipe de sécurité. Homicide par imprudence pour des motifs économiques. Homicide par imprudence pour des motifs économiques. Un nouveau coup de grisou le 25 février 1985 fera 22 morts et une centaine de blessés. Voilà comment certains perdent la vie et d'autres gagnent beaucoup d'argent. Ah ben c'est comme ça, il faut pas naître n'importe où. Avant la naissance, il faut choisir son lieu de naissance. Ah ben oui, il faut quand même, hein, il faut prévoir, voyons. La vie, c'est une affaire qui est longue et qui peut être difficile. Alors, il faut réfléchir avant. Enfin, si on pouvait, si c'était possible, si c'était possible. Alors, tiens, autre chose, les esclaves, la révolte des gladiateurs, Spartacus. Ça s'est passé à Rome entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Hein, oui, il y avait déjà des révoltes d'esclaves à l'époque. Hein, oui. 198, 185, 132, 101, 73 avant Jésus-Christ. Ces dates, souvent oubliées, marquent des soulèvements d'esclaves, véritable bétail humain, dans les grandes propriétés terriennes de l'Italie du Sud et de la Sicile. Le dernier en date, celui de Spartacus, voit se lever une foule immense de parias contre la société romaine implacable et égoïste. La République va-t-elle être ébranlée, la République romaine? Hein? Eh oui, parce que évidemment, ça, ce paragraphe-là n'a rien à voir avec la page que je viens de lire tout à l'heure sur le 30 septembre. Hein? Bien sûr, mais est-ce que non? Hein? À moins que, vous pensez? Oh, peut-être, finalement. Ouais. Tuer ou être tué, près de Capoue, non loin du Vésuve, une école de gladiateurs. Environ 200 esclaves, les plus malheureux des esclaves, ils subissent un entraînement terrible. Ils sont dressés à se battre l'un contre l'autre, à tuer ou à être tués devant une foule avide de sensations fortes. Ben oui, mettez-vous à leur place, les gouvernants de l'époque, il n'y avait pas le foot, il n'y avait pas tout ça pour amuser les foules ignares et hilares. Alors, donc les gladiateurs, c'était bien de ce point de vue-là. Ah oui, oui. Bon, après, il y a eu le course de taureaux aussi. Hein, c'était bon. Des broches, puis des armes. En été 73, quelques irréductibles s'échappent. Ils envahissent la boutique d'une rôtisserie, s'emparent des couteaux et des broches et tuent les gardiens. Ils sont environ 70. Avec eux, Spartacus, déserteur des armées auxiliaires de Rome. Sur la route, ils attaquent un convoi. Ils y trouvent des armes destinées aux gladiateurs. Les voici équipés. La milice locale est envoyée contre eux. Ils n'en font qu'une bouchée. Ils récupèrent les armes militaires qui remplaceront les armes odieuses des gladiateurs. Les révoltés se réfugient sur les pentes verdoyantes du Vésuve, forteresse naturelle difficilement prenable. Ils désignent trois chefs, deux Gaulois et Spartacus de Thrace, au sud de la Bulgarie. Leur coup de force aurait pu rester un fait divers, une révolte d'esclaves parmi tant d'autres. Ce ne fut pas le cas. Pourquoi ? L'évasion d'esclaves devient une réalité populaire. Spartacus et ses compagnons ne savent pas que leur évasion se situe dans une région où des milliers d'opprimés attendent la liberté. Or, voici que la fuite des gladiateurs va servir de détonateur à une révolte populaire. Une foule immense les rejoint sur les pentes du Vésuve. Des esclaves de gros propriétaires terriens, des petits propriétaires ruinés, des ouvriers agricoles au chômage, des prolétaires ruraux. Tous sont exaspérés par l'enrichissement des riches et l'accroissement de leur misère. Bientôt, ils seront 40 000. Pris celui qui croyait prendre. Le Sénat de Rome est inquiet. Il est aussi inconscient. Il envoie contre les esclaves le propréteur Claudius Glaber avec 3 000 hommes, des troupes auxiliaires. Son plan est simple. Faire le blocus du Vésuve et réduire les révoltés par la faim et la soif. Avec ses troupes, il occupe la seule pente praticable du Vésuve. Il n'y a plus qu'à attendre que les révoltés se rendent. C'est oublier l'ingéniosité des assiégés. Utilisant les vignes du Vésuve, ils confectionnent des échelles végétales. Ils s'échappent par une autre issue plus dangereuse, mais praticable avec des échelles. Ils attaquent le camp romain par surprise. Les soldats paniqués s'enfuient. Les esclaves récupèrent les armes. Stratégie ou scission ? Point d'interrogation. À plusieurs reprises, Rome envoie généraux et troupes contre les révoltés. Chaque fois, les légions sont battues à plate couture. Quant au groupe de Spartacus, ils ne cessent de grandir. Fin 73, ils sont quelques 100 000. Ils organisent la guérilla et des razzias dans l'Italie méridionale. Nous les voyons alors se diviser en deux groupes. Stratégie ou scission. Cruxius, avec 10 000 hommes, reste en Italie du Sud et continue la guérilla. Spartacus, avec le gros de la troupe, se dirige vers le nord. Il veut traverser les Alpes et sortir d'Italie où il juge la situation trop dangereuse à long terme. Le consul Gellius, à la tête de 20 000 hommes, bat la troupe restée dans le Sud. Mais il se casse les dents sur celle de Spartacus qu'il a essayé de rejoindre. Terreur à Rome. Dans la plaine du Pô, au nord de l'Italie, la progression des révoltés est plus difficile. Ils battent une nouvelle fois les troupes romaines, mais une partie de la population leur est hostile. Spartacus change de plan. Il décide de marcher vers le sud en direction de Rome. Dans la capitale, c'est la panique. Bientôt, on ne crierait plus comme 150 ans auparavant, Hannibal à nos portes, mais Spartacus à nos portes. Pourquoi les révoltés n'attaquent-ils pas la capitale? Ont-ils peur de se trouver à la tête du monde? Des croyances superstitieuses ou de réactions inconscientes jouent-elles? Toujours est-il que Spartacus, contournant Rome, retourne au berceau de la révolte en Campanie. Les voici revenus au point de départ. C'est leur perte. L'homme le plus riche d'Italie. À Rome, le Sénat est affolé. Les deux consuls sont destitués. On cherche l'homme qui a assez de courage et assez peu d'amour-propre pour aller combattre une bande d'esclaves. Le voici. Il s'appelle Crassus. Il a 43 ans. C'est l'homme le plus riche du monde d'alors. Il voit dans cette mission une aubaine pour renforcer son pouvoir. Il met sur pied une armée forte de 50 000 hommes, dont 30 000 sont armés par ses propres moyens. Spartacus et sa troupe espèrent passer en Sicile. Ils ont déjà négocié et payé le passage à 10 pirates. Ceux-ci, une fois l'argent encaissé, disparaissent dans la nature. Les révoltés sont acculés d'eau à la mer dans la presqu'île de Reggio, la pointe de la botte. 6 000 crucifiés. En février 71, Spartacus réussit à forcer le blocus. Malgré quelques succès des révoltés, Crassus arrive à battre leurs troupes à leur tour de rôle. Spartacus meurt incognito dans la lutte comme la plupart de ses compagnons. Les 6 000 survivants prisonniers sont crucifiés sur 200 kilomètres. Les 6 000 survivants prisonniers sont crucifiés sur 200 kilomètres au bord de la voie Appienne qui mène à Rome, contre laquelle ils ont osé se dresser. La révolte populaire suscitée par la gladiateur fut sans précédent. Elle sera sans lendemain immédiat. Mais au XXe siècle, l'exemple et le nom de Spartacus seront repris par les mouvements révolutionnaires. Spartacus n'est pas mort. Pour en savoir davantage sur la situation des esclaves à Rome, on peut voir Joël Schmitt, Vie et mort des esclaves dans la Rome antique, Paris 1977, Albin Michel, 287 pages. Alors Spartacus, le nom de Spartacus, a été repris par les communistes allemands dans les années 20, après la guerre de 14, et c'est eux que les nazis ont été encouragés à combattre par la bourgeoisie allemande, la haute bourgeoisie allemande. C'est ça qui a amené Hitler au pouvoir. Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, et le 11 septembre, je vais passer devant le juge, devant le tribunal de grande instance de Paris, à la 16e chambre qui traite entre autres des affaires terroristes et de haute criminalité, pour avoir décroché des portraits présidentiels dans des mairies. J'encours 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, puisque avoir décroché des portraits présidentiels, c'est un vol en réunion, selon la justice française. Les 21 et 28 février dernier, nous sommes donc allés décrocher ces portraits dans les mairies du 5e, 4e et 3e arrondissement de Paris. Quelques jours plus tard, alors que tout s'était passé dans le calme, nous nous sommes fait convoquer au commissariat et une fois arrivés au commissariat, nous avons été mis en garde à vue. Donc on a passé une dizaine d'heures en cellule, en vivant tout le théâtre d'une garde à vue. On nous a pris notre petite photo, on nous a pris nos empreintes, on nous a pris notre ADN. Et puis, on nous a auditionnés et on nous a mis en cellule jusqu'à ce que le parquet décide de notre sort. Et donc, notre sort, c'est de comparaître devant la justice pour vol en réunion. Emmanuel Macron, champion de la Terre. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, il se positionne mondialement comme le leader sur le climat. Il fait de grands discours sur le fait que la France met en place des mesures pour répondre à l'urgence climatique. La réalité est tout autre. Si on veut vraiment rester sur une trajectoire qui nous permet de mener des vies dignes sur cette planète dans les prochaines années, il faut faire un effort de guerre. Et il faut changer nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation. C'est un changement de paradigme de société dont on a besoin. Or, ce n'est pas du tout ce que fait le gouvernement français aujourd'hui. D'ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2015, alors qu'elles stagnaient jusqu'ici. Le Haut Conseil pour le climat nous dit que la France ne respecte pas ses engagements à l'accord de Paris. Donc depuis 3 ans,

magistrats qui sont le prolongement ici de Madame Belloubet, comprenant qu'ils avaient perdu la partie sur le plan moral et tout autant sur le plan politique, après nous avoir menacés de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende, pour finir conclu avec, d'un côté, une proposition de large distribution d'argent, car beaucoup ne sont venus ici requérir contre nous que pour ça, pour de l'argent. Est-ce que je demande de l'argent pour être passé à la télévision tous les soirs d'une manière incroyable, pour me flétrir, m'humilier? Est-ce qu'on s'est soucié des miens comme on est en train de se soucier de ces personnes? Non, bien sûr. Mais c'est par cette proposition de distribution d'argent qu'on espère stimuler le zèle de ceux qui appliquent des ordres indignes. Quant à moi, comme il fallait bien faire quelque chose de moi, et parce qu'on ne sait plus quoi faire de moi, après m'avoir menacé de 10 ans de prison, le réquisitoire est qu'on passe la patate chaude à quelqu'un d'autre. Me voilà avec une demande de 3 mois de prison avec sursis. 3 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire que quiconque le veut me fasse un procès et on m'enverra tout droit faire ces 3 mois de prison. Le procureur demande donc que quelqu'un d'autre que lui se charge de demander comment Bastille. On voit la débandade politique de ceux qui sont en arrière-plan de tout ce procès dont nous sortons tous abîmés sur le plan humain et sur le plan institutionnel. La justice n'est pas grandie après tout ça, la police non plus, ni la représentation parlementaire. Mais aucun d'entre nous n'avait demandé à jouer ce rôle, celui qu'on a voulu nous faire jouer pendant 2 jours. Alors voilà, 3 mois de prison avec sursis, je pense que le tribunal ne suivra pas une telle réquisition. Pourquoi ? Parce que cela revient à mettre un bâillon sur ma bouche. Cela revient à me menacer chaque jour de prison. La prison avec sursis, c'est la prolongation sans fin, non seulement du pilori médiatique, mais encore du pilori du devoir de faire attention à chaque mot pour qu'il n'aille pas déplaire à Pierre, Paul ou Jacques. C'est la négation de la politique. La politique est faite d'une violence symbolique, celle des mots. Elle ne peut fonctionner autrement que dans la polémique, la contradiction. C'est l'essence même de la politique. Eh bien, c'est cette essence qui est mise en cause lorsqu'on me menacera chaque jour en tant que député de Marseille, lorsque je traiterai de voyous ceux qui ont laissé les gens dans cette situation si pitoyable que les immeubles ont fini par s'écrouler sur eux, lorsque je traiterai de voyous ceux qui ont laissé les immeubles dans un état tel qu'ils prennent feu, etc., etc. À tout moment, n'importe qui pourra dire « Vous là, taisez-vous, sinon vous irez en prison ». Voilà ce que ça signifie, la prison avec sursis. J'espère que le tribunal ne suive pas de telles réquisitions. Ces réquisitions sont l'aveu du fait que s'ils estiment qu'il y a eu outrage, pour autant ils reconnaissent que nous n'avons d'aucune manière essayé de faire entrave à l'application de la loi. Les réquisitions sont la démonstration du fait que nous avons raison depuis le début, parce que si nous étions ce qu'ils disent, il fallait réclamer mon inéligibilité, il fallait réclamer celle de mes camarades, et ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont demandé à tous mes camarades, c'est de l'argent. Et à Madame Muriel Rosenfeld, qui a exécuté les ordres donnés par ses chefs, comme c'est le cas de tout contrat de travail, sans que personne ne lui ait jamais interdit de le faire du côté de la police. Elle a ouvert une porte, et pour cette raison, elle serait condamnée a donné 2000 euros pour avoir ouvert une porte alors que personne ne lui avait dit de la tenir fermée. Et que tout au contraire, ceux qui, du fait de leur contrat de travail, avaient autorité pour lui dire de l'ouvrir, étaient dans leur droit ce jour-là et qu'elle, son devoir, était d'obéir. Voilà, tout ça pour ça. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait un an que nous sommes mis au pilori. Moi, mais aussi les policiers, qui n'avaient pas vocation à jouer ce rôle d'acteur pendant 1 an, mais qui, malencontreusement ou mal conseillés, n'ont jamais fait la moindre action pour demander que cesse la diffusion des images auxquels ils attribuent toute la violence qu'ils disent avoir subie. Autrement dit, si vous lisez les PV d'audition, vous découvrirez que les gens ne se plaignent que parce qu'ils se sont vus à la télévision dans une situation qu'ils trouvaient humiliante. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu d'humiliation. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu de procès. S'il n'y avait pas eu ces images, aucune des pantanolades de M. Dupont de Moretti n'aurait été possible. Car on ne cesse de me reprocher mon physique, mes yeux exorbités quand je crie. Je n'ai pas d'autre yeux que cela. Je n'ai pas de figure de ressange pour les grands jours. Je n'ai que ma figure, ma pauvre figure. Et c'est elle qu'on me reproche. Je parle fort. Et je parlerai fort toute ma vie, je l'espère. Et c'est ce qu'on me reproche. Au fond, on me reproche d'être un Méditerranéen. Quant à mes camarades, je me demande bien ce qu'on leur reproche au bout de 2 jours. Je n'ai toujours pas compris. Aux uns d'être entrés, aux autres d'être sortis. Le procureur a même dit que certains auraient pu changer de rang. Je suppose que ça visait quelques-uns de mes camarades députés. Et le procureur a même dit qu'on aurait pu remplir cette salle de prévenus. En effet, la quasi-totalité du groupe Insoumis était présent ce jour-là et il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient de cœur et d'esprit solidaires avec ce que nous faisions. À cet instant, les réquisitions fonctionnent pour moi comme une décoration. J'avais raison, ils avaient tort, ils le reconnaissent. Et pour finir, je vais prendre les mots de Cyrano de Bergerac. Rien ne me fera renoncer à l'honneur d'être leur cible. Bravo ! Chaque jour, des millions de messages inondent nos écrans. Leur objectif, orienter nos choix pour acheter, voter ou adhérer à une idée. Omniprésents, ils façonnent notre vision du monde. Ces messages s'appuient sur des techniques de persuasion inventées il y a un siècle aux États-Unis. Elles ont été mises au point en moins de 50 ans par un petit groupe de penseurs pour contrôler le peuple. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. L'un de leurs plus grands théoriciens s'appelle Edward Bernays. Public relations embraces what I call the engineering of consent based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. En quelques semaines, les Américains s'engagent massivement dans l'armée. Leur président, Woodrow Wilson, les a convaincus de donner leur sang pour défendre la démocratie. Pourtant, un an plus tôt, ce même président leur avait promis que l'Amérique n'entrerait jamais en guerre. Quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a fait campagne en 1916, son slogan était « Il nous a évité la guerre ». C'était l'idée que le conflit était une affaire européenne et qu'il n'avait rien à voir avec la démocratie américaine. Donc, quand les États-Unis se sont préparés à entrer en guerre, ça a posé un gros problème. Le débat au sein de la Maison-Blanche sous Wilson a été comment contrôler les masses pour leur faire accepter la guerre. Wilson veut imposer ses choix par la force. Mais à la Maison-Blanche, certains préconisent une autre solution. Plusieurs conseillers de Wilson ont dit « Nous pouvons créer un système grâce au pouvoir de la propagande de masse » qui aura pour fonction de séduire le peuple pour le faire adhérer à l'effort de guerre. Il faut mettre sur pied un arsenal mental. Il faut construire une machinerie qui vendra la guerre au peuple américain, qui fera la promotion de la guerre. Une immense campagne de propagande se met ainsi en place. Elle s'inspire des codes de la publicité et du divertissement, notamment du plus populaire d'entre eux, le cinéma. Les stars de l'époque comme Charlie Chaplin ou Douglas Fairbanks sont engagés pour galvaniser les foules. Comme eux, plusieurs milliers de leaders charismatiques portent le message du gouvernement à travers tout le pays. Des hommes d'affaires, des religieux, des gens qui étaient des figures d'autorité respectées sur le plan local, se prononçaient publiquement en faveur de la guerre. Avant le début d'un film, un homme se levait dans le cinéma, comme si c'était spontané, et faisait un discours de quelques minutes expliquant pourquoi on devait entrer en guerre. Pour orchestrer cette immense machine, Wilson a mis en place un département spécial, la commission Krill. Elle rassemble des professionnels de la communication, journalistes, publicitaires, agents de presse. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans qui s'est déjà construit une solide réputation de publicitaire dans le domaine du divertissement. Il s'appelle Edward Bernays. Comme la plupart des membres de la commission, il partage une vision des foules très répandue parmi les élites dirigeantes des pays occidentaux. Cette vision repose sur des théories exposées à peine 20 ans plus tôt par le français Gustave Le Bon. Dans son livre « La psychologie des foules », il décrypte le comportement spécifique des masses. L'idée de base était que les gens étaient incapables de penser rationnel. C'était impossible de leur parler et de raisonner avec eux. Ils étaient des microbes. Ils se comportaient comme un virus, des animaux à la merci de leur moelle épinière. Il a présenté l'anatomie d'une foule comme un groupe d'individus privés de capacité de raisonnement. Puisque la raison n'a pas d'effet sur les foules, il faut donc s'adresser à leurs émotions et à leurs instincts. On est très vite arrivé à l'utilisation d'approches psychologiques pour tenter de court-circuiter toute pensée critique et toucher les gens aux tripes. La guerre diabolisée la figure du Hun germanique. C'est comme ça qu'on a eu des histoires fictives, comme les bébés embrochés sur des baïonnettes en Belgique. Ça tient beaucoup à l'utilisation de symboles très puissants et profondément enracinés dans les esprits pour dégrader le sens du message véritable et se focaliser sur le ressenti. Ça a eu pour effet de convertir très rapidement une population pacifiste en fanatique anti-allemand. Par exemple, l'orchestre symphonique de Boston ne jouait plus de Beethoven parce qu'il ne voulait pas être associé à cette hideuse monstruosité. La commission Krill a été très efficace. En moins d'un an, la commission Krill est parvenue à retourner l'opinion publique sans violence et sans changer de système de gouvernance. Pour les grands capitaines d'industrie de l'époque que sont les Rockefeller, les Carnegie ou les J.P. Morgan, le succès de ces méthodes de propagande ouvre des perspectives qui arrivent à point nommé. Depuis la fin du 19e siècle, une succession de grèves, de manifestations et d'émeutes fait trembler tout le pays. La montée en puissance du capitalisme industriel, aux États-Unis, mais aussi dans tout le monde industrialisé, a provoqué une certaine paupérisation. Dans les mines, les usines et les aciéries, les ouvriers étaient à peine mieux traités que des serfs. Les syndicats étaient brisés et bannis. Il y avait un bras de fer entre, disons, les masses et les oligarques. L'image des dirigeants de ces grandes entreprises, c'est qu'ils volaient les ressources du reste de la société en accumulant des profits pour eux-mêmes. En 1914, la situation avait même atteint son paroxysme avec le massacre de 66 grévistes dans une usine appartenant à Rockefeller. Tenu pour responsable de ce massacre, le milliardaire avait échappé de peu à un attentat anarchiste. Le secteur des entreprises était paniqué à l'idée de voir son monde s'écrouler. Les méthodes de la commission Krill leur apparaissent comme des solutions idéales pour mettre fin aux revendications sociales. S'il a été possible de faire adhérer les Américains à la guerre sans remettre en cause les principes démocratiques, il doit être possible de faire adhérer les classes ouvrières au modèle de société qu'ils ont toujours rejeté. Le capitalisme. After experiencing this world situation and recognizing the importance of ideas as weapons, I decided to see whether we could not apply what I had learned in the war to peacetime pursuits. En 1919, Edward Bernays installe ses premiers bureaux à New York, l'un des principaux lieux de pouvoir du pays. Pour définir son rôle auprès de ses futurs clients, il choisit d'utiliser le titre de conseiller en relations publiques. Le terme « propagande » était devenu péjoratif, donc ils en ont inventé un autre. Edward Bernays a toujours été très clair à ce sujet. Il s'attribuait la paternité du terme « conseil en relations publiques ». Le but était de donner un nouveau souffle à la propagande en changeant son nom. C'est une vieille technique de relations publiques ou de propagande. Si une chose est impopulaire, il suffit de l'appeler autrement, ni vu ni connu. Edward Bernays est influencé par Walter Lippmann, journaliste et écrivain, l'un des plus grands intellectuels américains de l'époque. Cet ancien conseiller de Woodrow Wilson envisage la propagande comme le seul véritable outil de contrôle des foules. Une idée à laquelle il consacre un ouvrage qui révolutionne les principes de gouvernance en démocratie, l'opinion publique. Les gens responsables, c'est-à-dire nous, doivent prendre les commandes et être protégés contre le troupeau en furie qui risque de les piétiner en vociférant. Nous ne pouvons pas le faire par la force. La meilleure solution est ce que Lippmann appelait la fabrication du consentement, un nouvel art dans la pratique de la démocratie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'une propagande habile peut essentiellement amener les masses à soutenir des politiques qui sont contre leurs propres intérêts. Ces nouveaux spécialistes des relations publiques, pour la plupart issus de la commission Krill, sont embauchés par les plus grandes entreprises de l'époque. Charge à eux de convaincre l'opinion que la prospérité des entreprises privées bénéficiera à l'ensemble de la population. Pour y parvenir, un changement radical s'impose. Transformer le citoyen en consommateur. Acheter ne doit plus relever du strict besoin, mais du désir. Notre économie perdait la tête. On bâtissait de grosses entreprises et on essayait de convaincre les consommateurs d'acheter tous les produits que les entreprises étaient impatientes de produire. Le capitalisme avait besoin de faire son autopromotion et de vendre au peuple l'idée que le capitalisme et non le socialisme allait lui fournir une vie meilleure. Edward Bernays sera un maître en la matière. Une de ses premières réussites est une campagne réalisée pour le compte de la Beechnut Company, célèbre producteur de bacon. Il voulait être le plus gros producteur de bacon des États-Unis. Traditionnellement, une entreprise aurait juste essayé de faire mieux que la concurrence et dit « notre bacon est meilleur que les autres ». Mais Eddie Bernays a dit « non, ce n'est pas comme ça. Il faut agrandir le marché pour tout le monde ». Edward Bernays va s'appuyer sur un concept qui a fait le succès de la commission Krill, les leaders d'opinion. Il choisit d'utiliser le pouvoir d'influence de l'une des professions les plus respectées de l'époque, les médecins. Il a donc commandé une étude demandant à de nombreux médecins et professionnels respectables dans le domaine de la nutrition et de la santé. Pensez-vous que la notion de petit déjeuner qui tient au corps soit utile ? Doit-on manger copieusement le matin ? L'étude conclut au bienfait d'un petit déjeuner copieux pour la santé. Edward Bernays transmet ce résultat à 4000 médecins à travers tout le pays. Sans qu'ils le sachent, ils vont relayer auprès de leurs patients un message qui sert une cause strictement commerciale. If you don't like bacon, and you're interested in your health, as 4,000 doctors say that you better eat bacon, you'll do it. Mmm, bacon and eggs and buttered toast. There's nothing like a good, healthy breakfast to start the day off right. And a meal like this should satisfy anyone. He'll have to learn that food has a lot to do with the way you look and the way you feel. En quelques années, le petit déjeuner à l'américaine devient une institution, un repère culturel qui aura la vie longue. Un petit déjeuner sans du bacon et des œufs est comme Un chien sans son os. L'idée de suivre les conseils d'un leader d'opinion ou d'une figure d'autorité est la base de notre travail de relations publiques. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? La caution scientifique apportée par les médecins devient un outil de communication récurrent des publicitaires, jusqu'à faire de la cigarette un produit associé à la santé et au bien-être. Try Camels yourself, the cigarette so many doctors enjoy. Edouard Bernays est en permanence à l'affût d'outils novateurs pour améliorer ses techniques. La psychanalyse en particulier attire toute son attention. Totalement acquis aux thèses de Sigmund Freud, il fait traduire ses premières œuvres aux États-Unis. Mais les liens qui les unissent dépassent de loin le cadre strictement professionnel. Edouard Bernays est le double neveu de Freud. Bernays avait des liens très étroits sur le plan familial et émotionnel avec Sigmund Freud. Sa mère était la sœur de Freud. La sœur de son père avait épousé Sigmund Freud. Donc, on peut dire que Bernays avait en lui beaucoup du patrimoine génétique de Freud. Dans son enfance, il dînait tous les soirs en entendant ses parents parler de l'oncle Siggy. Uncle Siggy. Well, I heard about my uncle's theory of dream interpretation. I heard about psychology as being an important force in evaluating human behavior. I heard of repression and regression and suppression. Eddie Bernays était un neveu professionnel. Dans les 10 minutes qui suivaient votre première rencontre, il vous disait qu'il était le double neveu de Sigmund Freud. Ce qui lui donnait l'impression d'être associé non seulement à une célébrité, mais aussi à un personnage intelligent et révolutionnaire qui avait changé la société. Les concepts que Bernays a repris de Freud, c'était que les gens pensent être gouvernés par leur propre opinion et leur pensée rationnelle. Alors que non. Ils sont soumis à leur inconscient et leur subconscient sans même le savoir. Donc, il faut contourner leur logique. Edouard Bernays met ce concept pour la première fois en application pour l'un de ses clients, l'American Tobacco Company. L'entreprise est confrontée à un tabou social qui l'empêche de doubler son chiffre d'affaires. Seuls les hommes sont autorisés à fumer dans les lieux publics. On confie à Edouard Bernays la mission de faire des femmes des consommatrices de tabac, comme les hommes. Il est allé voir l'un des disciples de son oncle Sigmund, un certain A.A. Brill. Il lui a dit, Brill, j'essaie de vendre des cigarettes aux femmes. Qu'est-ce qu'elles représentent? Et Brill a répondu, c'est simple, les cigarettes sont le pénis, et toutes les femmes veulent un pénis. Donc si vous pouvez leur en donner un, même s'il est juste symbolique, ça leur plaira forcément. On était à l'époque de la lutte des suffragettes pour le droit de vote à partir de 1919. Dans les années 20, les femmes étaient déterminées à se battre pour leurs droits. Il a donc enrôlé des femmes de la bonne société de l'époque. Il les a persuadées que ce serait un coup d'éclat. Bien sûr, pas officiellement pour le cigarettier qui était son client, mais pour la libération des femmes. Pour lancer sa campagne de communication, Edouard Bernays a l'idée d'utiliser comme tremplin médiatique un événement populaire, la célèbre parade annuelle des fêtes de Pâques à New York. Il a donc eu ces femmes défilant sur la 5e avenue en allumant des cigarettes qu'il a surnommées les torches de la liberté. Et pour s'assurer que l'événement allait faire du bruit, il a recruté des photographes des grands journaux et des agences de presse du monde entier pour l'immortaliser. Next morning, the New York Times had carried the story on its first page. They treated it as news, which it indeed was. Within 5 weeks, the smoking rooms of theaters in New York opened their smoking rooms to women smoking, which had never happened before. So an age-old custom was broken down by one action. Le rôle des relations publiques, c'est créer des circonstances qui se démarquent de la norme sociale et qui, par conséquent, attirent l'attention. Donc, le rôle d'un responsable des relations publiques, c'est de comprendre ce qui a l'air d'une info intéressante, ce qui en a le goût, ce qui en a l'odeur. Depuis toujours, notre cœur de métier, c'est de créer de l'info. Et pour faire du bruit dans les médias, il faut bien sûr être nouveau et être le premier. Personne ne se souvient du deuxième homme sur la Lune. En 10 ans, les habitudes de consommation des Américains ont été modifiées en profondeur grâce au travail réalisé par les conseillers en relations publiques. Ils sont même parvenus à changer l'image des grands capitaines d'industrie. John Rockefeller lui-même n'est plus considéré comme un représentant haï du capitalisme, mais au contraire comme un philanthrope. Les agences de communication prospèrent, en particulier sur l'avenue Madison, appelée à devenir l'un des hauts lieux de la publicité aux États-Unis. Edward Bernays est devenu un professionnel incontournable des relations publiques. Il vit désormais dans la suite d'un hôtel luxueux où il reçoit tout ce que le pays compte d'hommes puissants et influents. Mon père était extrêmement mondain. Il donnait très souvent des soirées. Il recevait des gens qui avaient réussi. Des architectes, des artistes, des avocats, des hommes politiques, des patrons de presse. La crème de la crème. La plupart des gens ignoraient qui c'était. Mais ceux qui avaient besoin de le connaître et qu'il avait besoin de connaître, le connaissaient. En 1929, Edward Bernays publie Propaganda, le fruit de 10 années d'expérience. Il y expose avec précision les grands principes et les techniques de manipulation des foules en démocratie. L'ouvrage fait de lui un visionnaire. Ce type d'aveu est évidence. Est la preuve de l'immense pouvoir de la propagande. Même quand le marionnettiste avoue, ceux qui sont manipulés ne peuvent pas lui résister. Les nazis étaient très impressionnés par la propagande commerciale américaine développée par Bernays et l'industrie des relations publiques. Goebbels l'a étudié de près, y a fait référence et l'a adapté aux objectifs nazis avec beaucoup de succès, malheureusement. 35,000 homeless in Evansville. Food and medicine needed in Aurora. Le krach boursier du 24 octobre 1929 fait voler en éclats l'équilibre apparent du modèle de société capitaliste des années 20. Les États-Unis plongent dans une dépression économique sans précédent qui jette sur les routes américaines des dizaines de millions de personnes sans emploi. Les entreprises que les relations publiques avaient tant vendues dans les années 20 étaient vues comme l'incarnation du diable. We face that crisis. We face it with singleness of purpose and above all with faith. Keep that faith constant. Élu président en 1932, Franklin Roosevelt apparaît comme l'homme qui peut tout changer. Néanmoins, il sait que pour gagner la confiance du peuple, la question du consentement des foules est déterminante. À son tour, il fait appel aux spécialistes en relations publiques. Sitting down here next to me is Mrs. Roosevelt, my wife, and my granddaughter Anna. Sur leur conseil, Roosevelt devient le personnage principal d'une campagne de communication sans précédent. What's our campaign slogan, sissy? Pour apparaître comme un homme proche du peuple, il est systématiquement mis en scène en famille et dans son quotidien, comme aucun autre président avant lui. That is pure. C'est du Bernays tout craché. Absolutely pure. La manière dont Roosevelt était assis dans sa voiture à faire des signes aux gens comme s'il était un jeune homme plein d'entrain, tout ça, ce sont des symboles. Mais pour Roosevelt, les symboles ne sont pas suffisants. Il opte pour une autre méthode, la pédagogie. Expliquer à ses concitoyens ses choix politiques pour redresser le pays. Avec ses conseillers, il met en place les fireside chats, littéralement les discussions au coin du feu, des rendez-vous radiophoniques qui durent plus de 10 ans. It is 3 months, my friend, since I have talked to the people of this country about our national problems. I am going to establish a government market for gold in the United States. Il avait une voix apaisante. Il parlait aux auditeurs comme s'il les respectait, comme s'il était leur égal. Et ça a donné confiance aux gens. I am authorizing the Reconstruction Finance Corporation to buy or sell gold. Les fireside chats était conçu pour rendre un système indéchiffrable compréhensible pour les gens. City streets pounded by ever increasing traffic are modernized, resurfaced, thousands of blocks which mean huge savings, vital to the community. Le président lance la production d'une série de documentaires destinés à expliquer son programme phare, le New Deal. Ses principes de base reposent sur l'interventionnisme de l'État pour relancer l'économie. New modern housing developments will be erected, providing better living conditions for workers in the low income groups. Pour faire comprendre l'utilité de ces dispositions, l'administration Roosevelt engage une équipe de photographes et d'écrivains réputés pour montrer au peuple américain les effets de la crise sur le pays. Ce n'était pas une bande d'attachés de presse venus de la publicité ou des relations publiques. C'était des gens qui avaient beaucoup réfléchi à l'utilisation des images pour que les gens soient plus intelligents qu'ils ne l'étaient. Le peuple américain découvre une Amérique qu'il ne connaissait pas. La force émotionnelle et symbolique de ces images marque les esprits. Il y a eu une résurgence de l'idée qu'il ne fallait pas forcément séparer l'émotion de la raison. Dans une certaine mesure, c'est la fabrication du consentement, mais avec une tentative de créer un consentement informé. Il n'y a rien de mal à vouloir être persuasif, tant que la persuasion n'est pas une manipulation, une volonté d'empêcher les gens de voir la réalité. Réélu triomphalement en 1936, Roosevelt engage de nouvelles réformes destinées à limiter le pouvoir des banques et des entreprises. Il a été décidé de créer une alliance entre les ouvriers et une classe moyenne en déroute contre les riches et les grandes entreprises. It is true that the toes of some people are being stepped on and are going to be stepped on. Le monde des affaires voyait le New Deal comme une catastrophe. Presque toutes les grandes entreprises américaines adhéraient à l'Association nationale des industriels. Et leur principal programme à l'époque était un programme de relations publiques. Ils ont décidé qu'ils devaient vendre l'idée que les entreprises privées étaient la clé d'une vie réussie, que Roosevelt voulait plutôt promouvoir grâce à l'intervention du gouvernement. Hello everybody, this is Lowell Thomas, and I'm to ask one or two questions, which you too have probably asked, and then I intend to answer them. To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? Pour le NAM, l'Association nationale des industriels, il faut rétablir au plus vite la confiance du peuple à l'égard du système capitaliste. Pour y parvenir, c'est désormais campagne contre campagne. Pendant 20 ans, les campagnes du NAM s'attachent à vendre une vision idéalisée de la société que les Américains ne manqueront pas de désirer. Là où Roosevelt s'appuie sur la réalité, le NAM vend du rêve. Là où Roosevelt s'adresse aux citoyens, le NAM parle aux consommateurs. C'est dans l'ADN américain. On n'aime pas le gouvernement. On aime les entreprises privées. Ils présentaient la libre entreprise comme on parle de liberté, de démocratie et de justice. Ils vendaient un rêve, mais ils l'emballaient dans les valeurs américaines. This is a machine in the factory. This is the workman who tends the machine in the factory. Pour sensibiliser les Américains aux bienfaits de l'industrie, le NAM mise à son tour sur la pédagogie, en s'adressant en particulier aux consommateurs de demain, les enfants. Here's a farmer. He needs a widget on his farm and he's in a hurry to buy one. Here's your money, Mr. Widget Maker, and here's your widget, Mr. Farmer. And all the customers take their widgets home to all parts of the country. Et pour toucher le plus grand nombre, les grandes entreprises vont partir à la rencontre des Américains là où ils se trouvent, chez eux. Jusque dans les années 50, une célèbre caravane publicitaire dédiée au génie industriel sillonne les routes américaines. La parade du progrès de General Motors. Hey, hold on there, it's absolutely free. Come see the big tent show. This device has a dual personality. It will actually freeze and fry at the same time. And even a telenews machine to bring your daily paper right to your easy chair. Fantastic? Maybe. À travers la parade du progrès, le capitalisme et les bienfaits de la consommation sont vendus pendant plus de 20 ans comme les fondements du rêve américain. Ceux qui lançaient ce type de projet avaient une vision à long terme. C'est-à-dire que, même s'ils savaient qu'ils ne verraient sans doute pas de leur vivant la concrétisation de leurs désirs et de leurs objectifs, ce n'était pas grave. Ils étaient prêts à ce que ça s'étale sur plusieurs générations. En 1939, c'est la ville de New York elle-même qui sert de vitrine médiatique à l'American Way of Life. Our camera sweeps the horizon, turning in the direction of a new world that symbolizes man's dreams, prophecies, hopes and aspirations. Pour la première fois, la ville accueille une exposition universelle. Cette manifestation est l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire industrielle. Son principal organisateur n'est autre qu'Edouard Bernays. Le rôle de Bernays a été de promouvoir l'exposition universelle et les différents pavillons et de faire venir de grandes entreprises comme General Motors, qui avait été son client dans les années 1930. Il appelait l'exposition « Democracy ». Il voulait fusionner la démocratie et le capitalisme. De nombreuses grandes entreprises avaient des pavillons qui ne parlaient pas du présent, mais de l'avenir. Et les gens adorent ça, parce que dès qu'on commence à parler de demain, on peut inventer ce qu'on veut. Lors de l'exposition universelle, il y a eu un documentaire sur une famille du Middle West. Hello, Mr. Middleton, how are you? Full of energy. Le fils est socialiste et la fille qui vit à New York a une liaison avec son prof d'art plastique qui est un communiste. Isn't it wonderful, Nick? Beautiful. L'histoire s'appelle « Les Middleton vont à l'exposition ». On les suit pendant leur visite, notamment dans le pavillon Westinghouse, parce que la compagnie d'électricité Westinghouse sponsorisait le film. I guess we're a little early. What do you want to do? Anything but inspect this temple of capitalism. Oh, Nick. Look at them. Their eyes popping out of their heads, drooling over the very things that are taking away their jobs. Now, Nick, don't get all excited. La grand-mère s'émerveille de tout ce qui va arriver dans la cuisine et elle est persuadée que l'ancien mode de vie n'est rien comparé à celui du futur. It's a paradise. No one who hasn't cooked over a wood stove by the light of a kerosene lamp can really appreciate what it all means. Tout le monde aura un robot pour faire la vaisselle. La belle vie est à portée de main. C'est pour demain. The contest is over in exactly 7 minutes and 58 seconds. In that time, Mrs. Modern has washed 50 dishes and 40 pieces of silverware. As I... Well, it's all over, Mrs. Drudge. You may as well rest now. And so, ladies and gentlemen, I give you the winner, Mrs. Modern. Ça nous montre qu'en découvrant un avenir industriel vraiment fun, le jeune homme abandonne ses idées anticapitalistes et devient une sorte de chantre du capitalisme. Do you honestly believe that industry can make enough jobs in the future to take care of the young people that are coming along? I think the problem is going to be the other way around. Industry will make so many jobs there won't be enough people to fill them. Du coup, les gens n'avaient plus qu'une seule vision de la démocratie possible, une démocratie capitaliste. Efficace et omniprésente, ces campagnes de communication soulèvent néanmoins des interrogations. Certains dénoncent ouvertement la manipulation des esprits par les relations publiques. Une accusation qui s'adresse parfois directement à Edouard Bernays. Modern science gives our opinion leaders weapons of mass impression which can slay our minds. The responsibility for averting such disaster rests squarely on the shoulders of those who now undertake opinion leadership. Freedom of propaganda is as important to our democracy as our other civil liberties. Freedom of religion, press, speech, the usefulness of propaganda makes it a vital asset to the democracy. La plupart des gens auraient très mal pris ce type d'accusation et auraient été offensés, mais Eddie Bernays a adoré. Ça montrait qu'il avait un réel pouvoir pour influencer l'opinion publique, et il avait toujours estimé que ce n'était pas une chose négative. Il se voilait beaucoup la face. Il pensait agir le plus souvent pour le bien commun. Part of this system is a competitive battle and Part of that competitive battle is competing propaganda, competing advertising, competing for market in the marketplace that is based on a free and open competition. Ce n'est pas une concurrence libre, parce qu'elle coûte cher. Dans ce type de situation, ceux qui ont le plus de ressources, comme les grandes entreprises et parfois les gouvernements, gagnent à tous les coups, simplement parce qu'ils ont plus de moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent en termes de résultats, mais ils partent avec plus d'atouts. Les gens ordinaires qui voudraient faire de la propagande dans cette concurrence soi-disant libre auront systématiquement moins de force de frappe et de moyens que les puissants. Ok, Bernard. I happen to be a technician on propaganda, and I am not a person who can solve your difficulties as to which ideology you prefer or don't prefer. L'entrée en guerre des États-Unis en 1941 suspend les débats sur le rôle des relations publiques. La propagande de masse reprend pour soutenir l'effort de guerre avec les mêmes techniques que celles utilisées 20 ans plus tôt par la commission Krill. Bernays a conseillé le gouvernement américain sur la manière d'utiliser les relations publiques et la propagande, mais il n'a jamais eu de rôle aussi central que pendant la Première Guerre. En partie parce que les relations publiques et la propagande étaient des outils mieux compris à l'époque et que le gouvernement avait ses propres agences de propagande. Les grands industriels vont voir dans la guerre un formidable outil de communication pour relancer leur campagne sur l'American Way of Life. Les publicités regorgeaient d'images de ce qui attendait les Américains après la guerre. Parfois même dans une boule de cristal, c'est-à-dire un objet qui permet de voir l'avenir. Et cet avenir était un monde d'abondance et de consommation dès que la guerre prendrait fin. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, le monde des affaires a lancé une vaste offensive pour tenter de faire reculer les composantes progressistes du New Deal. L'offensive, soutenue par l'industrie des relations publiques et Edward Bernays lui-même, s'explique par une reprise sans précédent des revendications sociales. De 1945 à 1946, près de 10 millions d'ouvriers descendent dans la rue et paralysent une grande partie du pays. En réaction, les grands industriels imposent au nouveau président Harry Truman une loi qui limite le droit de grève et le pouvoir des syndicats. Puis, il confie la mission aux professionnels de la communication de faire passer les contestataires pour des citoyens opposés aux vraies valeurs de l'Amérique. Dans les années 1950, il y a eu des campagnes massives qui ont été très étudiées d'ailleurs, pour prendre d'assaut les écoles, les universités, les ligues sportives, les églises et les usines, et leur imposer des cours pour inculquer l'américanisme, l'harmonie et la lutte contre l'ennemi. Bien sûr, l'anticommunisme a été utilisé à cette fin. Communism controls one-third of the world's area. What are the facts behind the faces? Tous les Américains avaient peur de la guerre nucléaire. Je me souviens avoir plongé sous mon pupitre à l'école, comme tout le monde. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover. La société américaine tout entière est prise de paranoïa aiguë. It's a bomb. Duck and cover. Celle de voir les Russes envahir le pays ou déclencher une guerre atomique. Duck and cover. Duck and cover. Ce climat national de détresse et de peur est directement utilisé par les spécialistes de la communication pour défendre des intérêts strictement privés. Au début des années 50, c'est un petit pays paisible qui va incarner à lui seul l'ennemi communiste qu'il faut abattre. Le 15 mars 1951, Jacobo Arbenz est démocratiquement élu président du Guatemala. L'une de ses premières décisions est de nationaliser, contre compensation, les terres non cultivées du pays pour les redistribuer aux paysans pauvres. Mais les trois quarts de ces terres appartiennent à l'une des plus grandes multinationales des États-Unis, la United Fruit Company. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. Pour la United Fruit Company, la décision du président Arbenz représente une sérieuse menace pour ses intérêts. Une contre-attaque médiatique s'impose. Elle est confiée à l'un de ses principaux conseillers, Edward Bernays. Pour le compte de la United Fruit Company, Eddie Bernays a réussi à persuader la plupart des Américains et une grande part des Guatémaltèques que le gouvernement de gauche, qui venait d'être élu et voulait réformer un système économique archaïque, était en réalité la tête de pont de l'URSS. Eddie Bernays a lancé une campagne de guerre psychologique encore plus profonde et plus efficace que celle organisée pour le gouvernement américain pendant la Première Guerre. Edward Bernays a d'ailleurs défini sa campagne de propagande par une expression empruntée à la guerre. Le Media Blitz. Media Blitz signifie généralement qu'on passe son temps au téléphone avec différents journalistes influents et qu'on leur fournit très régulièrement la matière de leur reportage. Bernays a créé son propre bureau d'information et de dépêche sur le thème unique du Guatemala. Le bureau de presse mis en place par Edward Bernays, officiellement considéré comme indépendant, est en réalité financé par la United Fruit Company. Il fournit à la presse l'essentiel de ses informations sur la nature supposée communiste du Guatemala. Edward Bernays organise même des voyages clés en main pour amener les journalistes sur le terrain. Le résultat était que les journalistes ont relayé ces infos. Un certain nombre de journalistes y ayant participé m'ont raconté des décennies plus tard qu'ils ont réalisé, après coup malheureusement pour eux et non au moment des faits, qu'ils avaient été utilisés et manipulés par Eddie Bernays pour le compte de la United Fruit Company. Ils ne l'avaient pas compris à l'époque. Guatemala falls under a communist-dominated regime. Following a reign of terror manipulated by such communists as the Argentinian Che Guevara, who later goes to Cuba, the common people of this tiny nation rise up. Eddie Bernays a joué sur la peur des soviétiques et de la montée du communisme de manière abusive, selon moi. Ça a contribué à convaincre le gouvernement américain qu'il devait intervenir dans les affaires du Guatemala. Le 18 juin 1954, le président Arbenz est renversé par les forces rebelles de Castillo Armas, avec le soutien décisif de la CIA. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une guerre civile qui durera 40 ans et fera plus de 200 000 morts. We know you like bananas. La campagne de propagande menée par Edward Bernays a duré 3 ans. Il a aidé à saboter la légitimité d'un gouvernement de gauche élu démocratiquement et c'était dangereux. Non seulement pour le Guatemala, mais aussi parce que ça a inauguré un nouveau schéma de politique extérieure. C'était normal pour les États-Unis d'intervenir et ils pouvaient avoir de bons résultats. Ça n'a pas marché avec Cuba, alors qu'on pensait pouvoir renverser le régime castriste. Ou des années plus tard au Vietnam, quand on a cru pouvoir imposer un gouvernement qui nous était favorable au Sud-Vietnam. Un an après le coup d'État au Guatemala, Edward Bernays publie Engineering of Consent, un guide pratique et théorique des relations publiques destinées aux nouvelles générations. En 40 ans, Edward Bernays a réussi à faire d'un concept de gouvernance du peuple une réalité solidement implantée dans toutes les sphères de la société. En 1990, 5 ans avant sa mort, Edward Bernays est élu par le magazine Life l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle. Je ne crois pas que mon père ait jamais sciemment menti. Peut-être que oui. Mais la vérité a différentes facettes et on ne peut pas les isoler. Quand on a des gens qui voient leur rôle, comme c'était le cas de Bernays, comme des ingénieurs du consentement, la démocratie devient une mascarade. Ce n'est pas juste une question d'argument et de persuasion. C'est une modification de la société. C'est l'essence de la propagande. C'est l'essence des relations publiques. Il s'agit de promouvoir et de concrétiser des objectifs et des intérêts pour des commanditaires. Et ces gens sont principalement des intérêts puissants, de grandes entreprises et des gouvernements. Quels sont les buts qu'on poursuit? Est-ce qu'on travaille pour un client? Et si ce client n'est pas représentatif de la population globale, alors on a un problème. Ça veut dire que des intérêts privés ou un petit nombre de personnes créent des fictions publiques et les considèrent de la plus haute urgence, ce qui leur permet de foutre le bordel dans nos cerveaux. Thank you. pas vous m'empêcher d'entrer dans mon local. Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque, elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Par là. Parce que l'autre côté, c'est l'autre côté, c'est ouvert. Allez, on pousse. On pousse. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos, prenez des photos. Vous calmez, monsieur. C'est violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait deux fois que je vous le dis. Non, monsieur, je vais signaler. Hé, je suis député, moi, monsieur. Monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, je le porte. Je suis député. Ça fait deux fois que vous allez te faire ça, les patrons. Vous allez arrêter, c'est la mort. Vous allez arrêter, c'est la mort. Non, pas avec vous. Vous avez été faire ça avec moi. Ça fait deux fois que je vous le dis. Alors, vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous le dis. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Ouais, mais non, mais oh. On touche pas aux camarades! Non, ne calme pas, vous donnez pas d'ordre chez moi! Descendez de cette table! Descendez de cette table! Arrêtez de salir mon matériel! Ça fait deux fois que vous dites que je suis un sauvage! Parce qu'il y a un policier qui prend plus de mort! Allez, vas-y, essaye de pousser pour voir! Ne touchez pas! Vous ne me touchez pas! Touche pas! Allez, touche-moi pour moi! Touche-le! Vous prenez pour qui? Touche-le! Hein? Vous n'êtes pas le procureur, vous? Un procureur avec un gilet pare-balles? Un truc de police? Oui, oui. Celui que vous n'êtes poussé. Qui? C'est vous que je pousse? Lui, là. Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là! Je ne dis fais quoi? Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotone. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Même quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. J'en entends qui disent, et la revue de presse, et la revue de presse. Eh bien, la voilà, la revue de presse. La dernière cigarette gérouvoise a 30 ans. La Perle des Vosges a été une des premières villes de France à s'attaquer au tabagisme. C'était en 1975. 1975. Ampoule radioactive. Des salariés portent plainte contre Orange. Des salariés d'Orange ont porté plainte à Clermont-Ferrand contre l'opérateur pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils ont manipulé pendant des années des ampoules contenant des éléments radioactifs et estiment ne pas avoir été assez protégés. Des ampoules encore présentes sur le territoire, d'après les syndicats France Télécom, expliquaient en 2001 qu'il restait peut-être encore 1 million de parafoudres radioactifs sur le territoire. Pour le délégué CGT Franck Refouvelet, il en resterait au bas mot 5 millions en France. Voilà, c'est du propre. Pub. Les imprimés publicitaires envahissent nos boîtes aux lettres chaque semaine, si bien que l'UFC Que Choisir recommande d'utiliser davantage l'autocollant Stop Pub. Stop Pub, du gâchis de temps. Et comment on sait comment sont payés les gens qui distribuent ces pubs-là quand ils ont fini de avec leur paye, quand ils ont fini de payer l'essence, eh bien, il ne reste pas grand-chose pour vivre. Cécile Roca, coordinatrice des « morts de la rue », entre guillemets, « morts de la rue ». Ce n'est pas la saison qui tue, c'est la rue. SDF, pas de vacances. Chaleur, maraude et accueil plus rare, fin de la trêve hivernale. L'été est au moins aussi dur que l'hiver pour les rencontres sans abri. Pour les personnes sans abri, pardon. Rencontre avec ceux qui vivent la précarité au quotidien. C'est du propre. Un pays moderne, un pays riche comme la France, qui a des gens qui dorment dans la rue. Il y aurait une seule personne qui dormirait dans la rue sur 60 millions de Français, que ça serait déjà beaucoup trop. Alors, nos politiques, il ne faut pas qu'ils fassent les malins. Ils n'ont pas à être fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent et de ce qu'ils ne font pas. États-Unis, faits divers, tuerie. Trump accuse Internet et les jeux vidéo. Et les marchands d'armes, il en fait quoi, Trump. Hein? Jules Périgaud, l'inventeur du code de la route. Maire de la commune de 1904 à 1919 et propriétaire de la papeterie d'Arches, Jules Périchon a aussi été l'inventeur du premier code de la route. C'était en 1905. Retour sur une histoire exceptionnelle d'un Vosgien qui compte encore aujourd'hui. Alors, là, il y a deux noms. Jules Périgaud, le titre, Périgaud, P-E-2-R-I-G-O-T. Et puis, dans le petit bout d'article que je viens de lire, là, il est question de Jules Périchon. Alors, messieurs les journalistes, il s'agit de Jules Périgaud ou de Jules Périchon? Hein, vous voyez comme on est bien informé? Ah, s'il n'y avait pas les radios libres, hein, pour établir un tout petit peu les choses. Eh oui. Voilà, l'information. La désinformation, plutôt. Désinformation. Alors, question à Jean-François Fleck, président de Vosges Nature Environnement. il faut suspendre les compétitions motorisées. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Il faut suspendre les compétitions motorisées. Ah, oui. Nîmes, l'hommage aux pilotes décédés. En présence du ministre de l'Intérieur, un hommage a été rendu mardi à Franck Chesneau, le pilote de Bombardier d'eau, mort vendredi en héros. Alors, au début, les premiers reportages que l'on a fait sur cette mort, on avait fait remarquer que l'avion en question, il avait, je sais plus combien d'années, d'heures de vol. C'est un vieil avion. Et puis, dans ces temps où il y a beaucoup d'incendies, on a un peu moins le temps de faire les révisions, paraît-il. Hein, parce que le pilote en question, c'est un pilote qui avait beaucoup d'heures de vol. Et donc, voilà, il était très compétent. Mais il s'est tué. Plomb de Notre-Dame. Quel danger pour la santé. Pendant l'incendie du 15 avril, des centaines de tonnes de bombes contenues dans la charpente, de la flèche et la toiture ont fondu et se sont répandues sous forme de particules. Eh oui, le plomb, c'est très, très, très dangereux. Hein? Eh oui. Et on nous en avait pas parlé. Un petit peu, une fois, comme ça, en vitesse, le jour de l'incendie. Et puis après, la consigne a été donnée, on ne parle pas, on ne parle plus du plomb. Ouais, sauf que ben, ça revient quand même. Alors, petites annonces, jeudi 8 août 2019, hein, pris au hasard, un journal ancien, mais on pourrait faire la même chose avec un journal plus récent. Alors, demande d'emploi, il y a deux demandes d'emploi, Meurthe-et-Moselle, automobile achète cash tout véhicule, ensuite divers antiquités brocantes, collection animaux, ensuite il y a rencontre, unicentre, rencontre Lorraine, nombreux contacts, dame 80 ans, veuve de fonctionnaire, homme 60 ans, jeune femme black 42 ans, infirmière, voyance, prof Dunkiba, grand voyant médium professeur Staffa, voilà, villégiature, mer, montagne, immobilier, appartement, offre de location, et les offres d'emploi, vous les voyez où dans tout ça? Les offres d'emploi, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'offre d'emploi. Ben non, le marché de l'emploi, il est verrouillé solidement. On a besoin de peser très fortement sur les chômeurs et sur leurs familles, sur leur entourage. Alors le chômage, c'est un moyen fantastique, c'est une arme épatante. Ah oui, comme les gaz de combat dans une guerre ou la bombe atomique. Le chômage, c'est une saloperie immonde. Utilisé par les banquiers, par les industriels et par les politiciens pour peser sur l'emploi, sur les chômeurs, sur les salariés, hein, sur le monde de la retraite, du travail, du chômage, des accidents du travail, des maladies professionnelles, etc., etc. C'est une immonde saloperie, le chômage. Oui. Et avec le chômage, eh bien, on a fait arriver Hitler au pouvoir en Allemagne. 6 millions de chômeurs en 1932. On a aussi 6 millions de chômeurs en 2019 en France. Tiens, comme par hasard. Alors, sur quoi est-ce que ça va déboucher tout ça? Ben, moi, je ferai pas de pronostic, hein. Enfin, pas pour l'instant. Pourquoi les prix des produits frais ont beaucoup augmenté? Les mauvaises récoltes causées par la grêle. Tiens, la canicule et la sécheresse sont en partie responsables des prix élevés cet été. Un phénomène amplifié par les marges des distributeurs. Un phénomène amplifié par les marges des distributeurs supérieurs aux autres rayons. Donc, la sécheresse est là, bon dos. La sécheresse, elle tombe à pic. On l'accuse, la sécheresse. Eh oui, la sécheresse, c'est comme le chômage, ça peut être utile. Eh oui, ça permet d'augmenter les marges bénéficiaires, ça permet d'augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Le plastique recyclable de Semo Packaging, hein, packaging on dit, ah bon, il me semblait, ben oui, c'est fantastique. Dans le petit village de Vecoux, prospère une entreprise résolument engagée à la production de plastique propre issu du recyclage des plastiques propres. Forte de 130 salariés dans les Vosges, la structure vient d'investir 1 million d'euros dans de nouvelles machines. Voilà. L'emballage. Packaging, l'emballage. En plastique. Lara, l'infatigable du rond-point de Givors. mobilisée depuis le 17 novembre, date du tout premier rassemblement des Gilets jaunes, Lara ne s'est pas arrêtée une seule fois. Pour l'avenir, elle appelle les Gilets jaunes à rejoindre la colère qui gronde dans tous les corps de métier. Les Gilets jaunes préparent leur rentrée. Alors ça, c'était un journal déjà un peu ancien, hein. Mardi 13 août, hein. Voilà, c'est vieux, hein. Oui, ils prépareraient leur rentrée le mardi 13 août. Pas besoin de rentrer puisqu'ils ne sont jamais partis. Les Gilets jaunes, ils continueront tant que ça n'ira pas, hein. Ben oui. Il y a tellement de choses qui vont pas dans ce pays. Que on comprend que des gens se soient rebellés et se rebellent encore et continueront à se rebeller tant qu'il n'y aura pas un minimum de justice dans ce beau pays. Fiscalité, réforme, après la suppression de l'ISF, l'heure des comptes. Pour la première année d'application, Bercy n'escomptait qu'une recette d'environ 850 millions d'euros. L'impôt sur la fortune immobilière, qui s'est substitué l'an dernier à l'impôt de solidarité sur la fortune, a toutefois rapporté bien davantage, près de 1,3 million d'euros. Eh oui, investissez dans l'immobilier, si vous avez des sous. Eh oui, ça craint rien, l'immobilier. Bon, sauf un tremblement de terre ou un bombardement, mais bon, on n'est pas encore en guerre. On est en chômage. C'est-à-dire, dans la période qui précède immédiatement la guerre, parfois, mais pas encore, hein. Donc, voilà. Attendons. Patientons. Les choses vont s'arranger, bien sûr. Société, justice, drogue, vrai plan de lutte ou poudre aux yeux? Point d'interrogation. Amende, chasse aux dealers. Alors, il y en a un qui a rajouté au crayon, là, vendeur, infranzösisch. Chasse aux dealers, campagne anti-drogue, l'arsenal de mesures contre les trafics de stupéfiants a été dévoilé hier par le gouvernement. Suffisant pour endiguer la hausse continue des trafics. C'était le mercredi 18 septembre 2019. Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis? Est-ce que vous avez remarqué que les choses s'étaient améliorées sur le plan du trafic de drogue, de la consommation de drogue? Ça n'a pas l'air, hein. Et puis, y en a même qui disent, peut-être sont-ils de mauvaise foi, peut-être exagèrent-ils, que la drogue, finalement, c'est très utile pour les gouvernements en général. Ben oui, parce que quand les gens ils se bourrent le pif, que ça soit avec de l'alcool ou autre chose, eh bien pendant ce temps-là, ils sont quittes de mal voter, ils sont quittes de faire grève, ils sont quittes de porter un gilet jaune, etc. Alors record sur l'or, profitant de la baisse de la faiblesse des taux d'intérêt, le métal jaune, l'or, est revenu en grâce auprès des investisseurs et des particuliers. Son coût a augmenté de près de 24% depuis le début de l'année. Si les économies qu'on a les avait mises en achetant, si on avait acheté de l'or, eh bien, au début de l'année, eh bien, maintenant, on serait plus riche de 24%. Comme quoi, travailler, c'est pas forcément la solution. Il vaut mieux investir, il vaut mieux capitaliser, il vaut mieux être cumulard que travailleur. Avec des taux négatifs, au moins l'or ne coûte rien. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Le Forum pour l'emploi attire 250 personnes. C'était à Golbey le 19 septembre 2019. Bon, est-ce qu'il y a eu des retombées sur ce qu'on appelle pudiquement le marché de l'emploi? Eh ben, moi, je crains bien que non. Enfin, il faudrait qu'on me prouve le contraire. Il faudrait qu'on me prouve qu'il y a eu des gens qui ont trouvé du travail grâce à ce machin. Un machin de plus pour eux. Bon, justice, politique, procès Mélenchon, je ne suis pas un citoyen lambda. Vendredi 20 septembre 2019, voilà, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'est pas un citoyen lambda. Ben non, puisqu'il est un élu et qu'il a eu un certain pourcentage de voix aux élections présidentielles. Hein, et que si certains n'avaient pas été si bêtes et si lâche, il aurait fait nettement plus. Et peut-être qu'on n'aurait pas le président actuel. Et qu'on aurait une autre politique, une politique diamétralement opposée à celle que l'on subit depuis 2 ans. 2 ans qui s'ajoutent à toutes les années qui ont précédé, hein, parce que les années Hollande, les années Sarkozy, etc., ça valait pas cher déjà. C'était déjà une honte. Un pays qui a fait la révolution de 1789 est capable de voter comme ça, eh bien merci. Oui, Robespierre, Danton, Marat, etc., ils ne seraient pas fiers de nous, hein. pour ses 50 ans, Michelin Golbey veut se tourner vers l'avenir. Oh, ça sent mauvais. Hein? Oh là, oh là là. Nous vivons un moment dangereux. Interview de Thomas Piketty. Comment un pavé de près de 1200 pages, bourré de notes sur le capitalisme et les inégalités, peut-il affoler les chiffres de vente des libraires, des librairies, des libraires, c'est la même chose. Rencontre avec son auteur Thomas Piketty dans son petit bureau de l'école d'économie de Paris. Un livre de 1198 pages. Ah, il y avait une erreur de 2 pages tout à l'heure. 1198 et pas de 1200. Ça fait peur, non? C'est un livre très lisible. Je crois qu'il ne demande pas de bagage économique. J'essaie de raconter une histoire vivante, humaine. Eh oui, l'économie, heureusement ou malheureusement, ça n'est pas comment on l'a fait, a des répercussions très importantes sur la vie quotidienne des Français moyens, dont nous faisons, vous et moi, partie. L'insuffisance rénale, un fléau qui avance à bas bruit, à bas bruit, à bas bruit. Servier, grand absent du procès Mediator, un coup dur pour Martine. Le procès du Mediator et du laboratoire Servier s'ouvre lundi pour des milliers de victimes, parmi lesquelles des Lorrains. Un procès prévu sur 7 mois sur lequel l'ombre de l'absent pèsera. L'absence de Jacques Servier est un mauvais coup, déplore Martine Cor, une victime mosellane. Ben oui, Jacques Servier, il est mort. On a attendu patiemment, il a attendu patiemment et les autres ont attendu patiemment avec lui, ben, que l'heure de la mort sonne. Donc, mort plus responsable. Alors, les responsabilités du laboratoire Servier, ben maintenant, face à la justice, elles vont peser d'une certaine manière moins lourd. Hein. Nestlé Waters, Waters, comme les Waters, vous savez, les closettes, voilà, les Waters closettes. Un marché en pleine transformation. Ah oui, le marché de l'eau est en pleine transformation. Bon, ben voilà, hein, ce sera tout pour aujourd'hui, mais il y aura combien d'autres choses à dire, bien évidemment. Oh, je crois qu'on pourrait faire une revue de presse tous les jours, hein, sur l'antenne de RGM. Ah oui, ce serait instructionnant. Allez, bonne soirée. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore? Faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire, et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il